L'édit du prince Otto, extrait des Petits Contes alsaciens écrit par Jules Girardin, lu par Armène pour audiocité.net. Les petites chroniques de la principauté de Karlsbourg en Alsace disent ceci. Le prince Karl eut un fils qui ne lui ressemblait point du tout. Les conseillers et courtisans étaient ébahis de voir que l'héritier présomptif d'un prince si doux et si paisible fut un véritable lansquenet. Tout petit, il battait sa nourrice, et le mot agu, qui fait le fond de la langue de tous les petits enfants, prenait dans sa bouche une expression menaçante. Quand il commença à prononcer des phrases, il ne parlait que de pocher des yeux, de meurtrir des nez et de déchiqueter des oreilles. Un peu plus grand, il commença à dire que le plus beau lot d'un prince est de chevaucher par pays la lance au poing, de pourfendre ses voisins et de les ruiner, en un mot, d'acquérir de la gloire. « Oh oh ! » disait le bon prince Karl, « quel Alexandre, quel Achille est celui-ci ! Tôt qu'on me trouve un précepteur, homme de bon sens, dont les enseignements le puissent rendre plus humain et plus maniable. » Le bon prince mourut sur ses entrefaites, assez inquiet de ce que deviendrait la principauté de Karlsbourg entre les mains de ce tranche-montagne. Madame la veuve Douairière, pour se conformer au désir du feu prince, qu'elle avait toujours aimé et honoré, comme cela se doit entre époux, prit la régence et se mit en quête d'un précepteur. Or, il se trouva qu'à cette époque, les savants savantissimes étaient fort en honneur dans le pays. J'entends par savants savantissimes ceux qui ont creusé les questions si avant qu'ils n'en peuvent plus sortir et qui ne communiquent avec le commun des hommes non savants que de loin et, pour ainsi dire, du fond d'un puits. Le puits de science du docteur Matthäus était le plus profond et le plus obscur de la principauté. Le docteur Matthäus était cousin au 21e degré d'un des principaux conseillers de la régence. Il fut donc choisi comme précepteur du prince Otto. Le précepteur Matthäus accablait le petit prince d'une quantité de beaux préceptes tirés des œuvres des plus fameux philosophes de l'Antiquité. Le prince Otto s'endormait, ou bien il regardait voler les mouches, ou bien il jouait toutes sortes de mauvais tours à son savant précepteur. Malgré sa confiance en lui-même, le docteur s'aperçut un beau jour qu'il parlait à un sourd, et qu'à tous ses dictons philosophiques, le jeune prince préférait les équipées d'Achille racontées par Homère et les chevauchées d'Alexandre reproduites par un nommé Quintécurse. Le docteur laissa de côté la philosophie et se lança dans les récits d'Homère et de Quintécurse. « C'est pour l'amour du grec et du latin, » disait-il en manière d'excuse. Oh, alors le prince devint si attentif, que madame sa mère en était épouvantée. Elle le prenait à part dans son retrait, où était son prie-Dieu et une belle peinture qui montrait notre Seigneur sur sa croix, et à ses pieds le feu prince Karl bien pieusement agenouillé. Alors elle lui parlait de Dieu, de qui relèvent tous les princes, qui sera leur juge, et leur demandera compte des guerres qu'ils auront faites sans de juste cause, et du sang qu'ils auront fait verser inutilement. Tant que vécut madame la princesse Douairière, le prince Otto se contenta de passer des revues, de faire défiler des bataillons et de dodeliner de la tête en souriant pour marquer le plaisir qu'il prenait au son des trompettes, au bruit des crosses de mousquets et aux caracolades des chevaux de guerre. Quand madame eut rendu son âme à Dieu, le prince remercia poliment le docteur Matthäus de ses bons soins, le combla d'honneur, le nomma conseiller aulique et lui fournit de quoi mener une vieillesse tranquille. Quant à lui, Il frisa sa moustache blonde, se coiffa de son feutre à panache, en frappant les dalles de sa grande botte éperonnée. Il fit monter un trompette sur la plus haute tour et lui commanda de sonner aux quatre vents du ciel. Après quoi, il partit en guerre. Au retour de sa première expédition, il changea le nom de son château qui était Karlsburg en celui de Kriegsburg, château de Karl en château de la guerre. Tantôt battant, tantôt battu, il passa sa vie à guerroyer, faisant de ses tisserands des reîtres, de ses laboureurs des lansquenets, de ses thalers des pfennigs et de sa principauté un désert. Quand il lui vint des poils blancs en la barbe du menton, il lui vint aussi tout d'un coup des imaginations nouvelles. Assis à la fenêtre de sa grande salle, il remarqua que les terres étaient en friche, que la moitié des maisons était en ruine et que la moitié de l'autre moitié était fermée faute d'habitants, que quant à lui, avec toute sa gloire, il était ruiné tout à plat comme un colporteur qui serait tombé au coin d'un bois au milieu d'une bande de malandrins. De plus, s'il avait des flatteurs, il n'avait pas un seul ami. C'est là que Dieu l'attendait. Alors, il se souvint de son père et des paroles de sa mère. « Ce qui est fait, se dit-il. Je ne puis plus empêcher que cela n'ait eu lieu. Mais mon compte est déjà assez lourd aux yeux de Dieu. Je ne veux pas qu'il le devienne davantage. » Alors, il commença par envoyer à tous ses voisins des hommes sûrs pour leur dire « Dieu vous garde et vous protège. Voilà que notre maître et seigneur désire vivre en paix avec vous autres. Il vous envoie sa parole et vous demande la vôtre. » Ces messagers furent partout bien reçus, car justement parce que le prince Otto était ruiné, on pouvait tout craindre de son désespoir. Cela lui plut et il s'enferma pour réfléchir de nouveau. « Il faut, dit-il, repeupler ce pays. Les terres sont bonnes, les gens viendront des principautés voisines si j'ôte le plus lourd des impôts. Plus de guerre, partant plus de gendarmes, c'est tant à ôter sur l'impôt. Item, mes conseillers ne me conseillent jamais que ce qui me plaît. Plus de conseillers, tant à ôter de ce chef. Item, les chambellans ne me feront grand faute. Ôtons les chambellans. Ôtons les équipages de chasse. » Il ôta tant de choses qui coûtaient cher et ne servaient à rien qu'il finit par publier son fameux édit, connu dans toutes les chancelleries sous le nom « Édit du prince Otto », lequel promettait aux gens tant de privilèges et de franchises que ce fut à qui viendrait habiter sur ces terres. Bientôt les routes furent couvertes de cavaliers, de piétons, de fourgons, de chariots qui tous se dirigeaient vers la principauté de Karlsburg comme vers la terre promise. Le premier corps d'État qui fut reconstitué de manière à rendre de grands services fut celui des brasseurs, hôteliers et cabaretiers, en souvenir de quoi ils gardent dans leur maison de maîtrise une image entaillée par le sieur Dietrich, homme savant en son art et imprimée ensuite sur de belles feuilles de papier. On y voit un hôtelier offrant poliment ses services aux vieillards qui marchent en tête d'une des caravanes. Depuis longtemps, dans ce malheureux pays, on ne savait plus ce que c'était qu'un bon verre de bière et une bonne tranche de jambon. Les brasseurs avaient disparu et les brasseries étaient fermées, d'abord parce que les impôts étaient écrasants, ensuite parce que messieurs les compagnons d'armes du prince avaient pris l'habitude de boire sans payer. « Comment, maroufle ? » disait-il au pauvre hôtelier. « C'est bien le moins que tu nous abreuves, nous qui t'avons couvert de gloire. » Un vieux routier disait à un de ses compagnons « Il faudra quitter ce pays qui est plus sec qu'une queue de morue salée. » À peine l'édit fut-il publié, que les cheminées des brasseries recommencèrent à fumer. Le jambon de Mayence a pris de nouveau le chemin de Carlsbourg. Quand les émigrants, le long des routes poudreuses, interrogeaient l'horizon et commençaient à craindre de mourir de soif et de faim, tout à coup, à un détour du chemin, un aubergiste poli et avenant leur apparaissait et leur disait « Allons, frères, courage, encore un petit mille, et vous trouverez à l'ombre de ces grands chênes de la bière bien fraîche et du jambon succulent. Je vous ai vu venir de loin, et j'ai voulu vous réjouir d'avance par cette bonne nouvelle. Tenez, voilà déjà vos chiens qui sentent que les saucisses sont à grésiller dans la poêle. » La principauté de Carlsbourg est redevenue florissante grâce à l'édit du prince Otto. Le prince s'est marié et il a un joli petit garçon qui s'appelle Karl, comme son grand-père. Le château de Kriegsburg a encore changé de nom. En souvenir de sa mère, qui s'appelait Lisbeth, le prince Otto lui a donné le nom de Lisbethruhe, repos de Lisbeth. Du fond de sa retraite, le docteur entend parler de ces choses et il s'en attribue modestement toute la gloire. Le prince Otto se contente de rire de cette prétention. Mais il se promet bien de ne pas mettre le petit Karl entre les mains du docteur Matthäus.